rassurant sentant l'odeur des McFlurry. Faut aimer ce que je vois pour toujours changer ma vie. Sucre gras même si j'ai une montée de cholestérol. Après ça, je vais bouffer mon premier burger. À 5 étages, je vais dans mon estomac, ça va être un ravage. Je vais pas prendre la route ce soir. Le service d'urgence, le temps pour moi. Tranquille un morceau. Ce goût divin, bien sûr que du coca comme boisson, jamais d'eau. Je continue à dévorer ce trésor, à coup mon foie et au bord de la mort. Croque un morceau. Ce goût divin, bien sûr que du coca comme boisson, jamais d'eau. Je continue à dévorer ce trésor, à coup mon foie et au bord de la mort. Je vais bouffer mon premier burger. À 5 étages, je vais dans mon estomac, ça va être un ravage. Je vais pas prendre la route ce soir. Le service d'urgence le sera pour moi. Tant qu'un morceau.